Merci la reste, merci la reste, c'est quand ça arrive. Je connais l'adresse. Je remercie la reste, merci la reste, c'est quand ça arrive. Et maintenant je connais l'adresse. Je remercie la reste, merci la reste. J'ai pas un j'dois manger, j'le vis mal. J'casse une gestue, j'suis dans mon hall. La voisine, ma vie, elle rigole. Cette nuit, j'ai trop bu, j'suis dans le mal. Le point de vente doit fermer ses shows. J'déambule solo comme un chat. Aminé, j'fais les comptes, ouais. J'ai la cime remplie de contact. 22, j'dois fermer le point de vente. J'nous vois dans 10 ans tous les deux. J'pendage, j'ai vesti les bleus, gueule. Loin d'eux, pour ma maman, quand j'veux, j'peux. Mamie, check, tu me regardes là-haut. Papa connaît pas son marmot, je lui en veux pas, j'ai pas besoin de toi. Hey, j'peine à loin, je les vois plus. 22, j'dois fermer le point de vente, je nous vois dans 10 ans tous les deux. J'peine à, j'ai fait ce qu'il est bleu gueule, loin d'eux pour ma maman quand j'veux. La meca, planqué dans lavabo, dans la vago, j'suis en rodéo, mon déo. Trois berlingots, j'pue la bugueuse, mon doudou. Tu peux fouiller, ouais. Tu te souviens, j'me souviens. On avait rien, c'était bien. C'était bien. À minuit, j'fais les comptes, j'attends la fin. La fin. Porsche Cayman, j'ai les palettes au volant. Je me sens bien, je ferme les yeux en souriant. Porsche Cayman, j'ai les palettes au volant. Je me sens bien, je ferme les yeux en souriant. Oui, je fais le tour de la ville. Palette au volant, je contrôle plus la vitesse. Oui, je fais le tour de la ville. Palette au volant, je contrôle plus la vitesse. 22, je dois fermer le point de vente. Je nous vois dans 10 ans tous les deux. Je pendage, j'ai vu ce qu'il est bleu gueule. Loin d'eux, pour ma maman quand je veux, je peux. 22, je dois fermer le point de vente. Je nous vois dans 10 ans tous les deux. Je pendage, j'ai vu ce qu'il est bleu gueule. Loin d'eux, pour ma maman quand je veux, je peux. Zipette dans les fesses, la tête dans les rêves. Je voulais des Nike toutes neuves. Quicheta dans la baie, j'ai fait le tour du 16. Les reflets de la scène, à part dans les hautes scènes. Toute ma vie, je l'ai voulu. Viens, on se balade, j'en peux plus. Je veux qu'on arrête nos disputes. Tu peux me le dire que c'est moi que t'aimes. Je ferai tes semaines, des week-ends. J'ai dans tes yeux, ça trompe pas. X, A, D, V, plus de vex pas. Je fais la fête avec quelqu'un. Je mets une bouteille dans mon pâte. Je remercie la rue. Merci la S, c'est grâce à elle, et maintenant je connais l'adresse. Je remercie la rue, merci la S, c'est grâce à elle, et maintenant je connais l'adresse. Je remercie la rue, merci la S, c'est grâce à elle, et maintenant je connais l'adresse. Je remercie la rue, merci la S, c'est grâce à elle, et maintenant je connais l'adresse.